Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Winifred Carney, héroïne de l'indépendance irlandaise. L'histoire que je vais raconter ce soir commence un jour de 1912 à Belfast, la grande ville du nord de l'Irlande. Belfast, qui, vous le savez, sera tout au long du XXe siècle le théâtre des luttes sanglantes entre catholiques et protestants. Une jeune femme maigre et dégingandée marche à grands pas, son parapluie à la main, dans le quartier protestant de Shankill. Mais ne vous fiez pas à ces faux airs de Mary Poppins. Winifred Carney, puisque c'est son nom, est une syndicaliste et une ardente militante de l'indépendance. Quatre ans plus tard, armée d'une machine à écrire et d'un revolver, Winifred Carney fera partie des rebelles qui, le jour de Pâques 1916, s'empareront de la grande poste de Dublin. Ce bâtiment public qui, aujourd'hui encore, porte sur ses murs les impacts des tirs violents de la répression anglaise. Les fameuses Pâques sanglantes, un soulèvement d'une audace folle, improvisée, acte fondateur d'une Irlande libre. Mais Winifred Carney est aussi l'héroïne d'un autre combat, toujours actuel. Catholique, amoureuse d'un protestant, elle incarne l'espoir, très universel, d'une nation dépassant ses haines religieuses. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Nathalie Seban, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maîtresse de conférences en civilisation britannique et études irlandaises à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Vous avez beaucoup écrit, notamment sur la place des femmes dans l'histoire et la société irlandaise. Est-ce que Winifred Carney est une figure connue aujourd'hui en Irlande? Est-ce que, par exemple, on en parle à l'école? Est-ce que des rues portent son nom, vous le savez? Alors, étonnamment, Winifred Carney ne fait pas partie des femmes dont on a beaucoup parlé, notamment l'an dernier, au moment des célébrations du centenaire du soulèvement de Pâques 1916. La raison qui peut expliquer ceci, c'est que Winifred Carney est une républicaine révolutionnaire du Nord. Et c'est ce qui la distingue d'autres figures plus marquantes, comme notamment la comtesse Markievicz. Alors ce qui est étonnant, on le verra, c'est quand on découvre l'histoire de Winifred Carney, c'est de se rendre compte du rôle que jouèrent les femmes dans la lutte pour l'indépendance au début du XXe siècle pour leur pays. D'autant plus étonnant que l'Irlande ne passe pas pour un modèle en termes de droits des femmes. Donc on reviendra sur cette question en deuxième partie d'émission, si vous voulez bien, Nathalie Seban. Mais d'abord, pour bien comprendre les enjeux de ce qu'on va entendre ce soir, pourriez-vous, Nathalie Seban, nous rappeler quelle est la situation de l'Irlande en 1912, quand l'histoire que je vais raconter commence? Alors, en 1912, sur le plan politique, on est à une période où va être introduite, normalement, la troisième Home Rule Bill, une loi qui devrait restituer au Parlement irlandais son indépendance et des droits, les droits de légiférer sur les affaires de l'Irlande. Il faut quand même rappeler d'abord que l'Irlande est quand même un pays sous domination anglaise. Absolument. Et depuis combien de temps? Alors, depuis officiellement 1801, l'Irlande fait partie de la Grande-Bretagne. Et c'est le résultat de centaines d'années de colonisation qui ont commencé par la colonisation, ce qu'on appelait les plantations en Irlande. Ça veut dire colonisation. Colonisation, absolument. Colonisation qui a commencé par une vague de colonisation écossaise sur les terres du nord de l'Irlande. Ça explique pourquoi les régions du nord, et notamment l'Ulster, a une population à domination protestante. Donc une population que le gouvernement britannique envoie sciemment en Irlande pour occuper le pays. Pour occuper le pays et pour prendre les terres. Donc on peut parler de, véritablement d'une situation coloniale. Absolument, en Irlande. Absolument. Et comment cette occupation anglaise est-elle vécue par les Irlandais? Très mal, puisque au cours des siècles, on observe une succession de révoltes de la part des Irlandais, des révoltes qui échouent, mais qui marquent des jalons petit à petit, jusqu'à 1916, qui sera la rébellion emblématique, qui, si elle est dans les faits un échec, et pour autant la manifestation, la révolution qui va conduire à l'indépendance. Et les Anglais, comment ils considèrent les Irlandais? Est-ce qu'ils sont des citoyens à part entière? les Irlandais ont pendant très longtemps été victimes de lois discriminatoires, notamment les lois pénales, jusqu'à ce que le grand libérateur Daniel O'Connell mette un terme à ces lois pénales qui empêchaient les Irlandais d'avoir, les Irlandais catholiques, d'avoir accès aux professions, à l'éducation, etc. Donc il y a une ségrégation religieuse. Il y a une véritable ségrégation religieuse, politique. Donc à cette situation de dépendance, on, vous l'avez dit, s'ajoute l'autre problème qui est lié à ce premier. Donc dans le nord de l'Irlande, il y a des catholiques et des protestants. Les protestants, eux, ne veulent pas entendre parler d'indépendance. Absolument. Ils veulent rester dans le giron britannique. Justement, alors en 1912, quand on est sur le point de faire passer cette loi, les protestants s'inquiètent. Et donc créent une force, Irish Volunteer Force, pour lutter contre le risque du vote de cette loi. Et en contrepartie, vous avez les Irlandais catholiques qui créent les Irish Volunteers et une branche féminine, Cumann na mBan, l'Union des femmes, dans laquelle va faire partie Winifred Carney. Merci Nathalie Seban. Nous poursuivrons cette discussion dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Winifred Carney, héroïne de l'indépendance irlandaise. Un texte de Vincent Hazard, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire pour France Inter. Réalisation, Pascal Deux. Halte ! Venez là. Pourquoi vous courez ? J'ai été attaquée. Vous avez vos papiers ? Non. Ils étaient dans mon sac, il a dû tomber. Ils m'ont frappée sans raison. Comment vous vous appelez ? Winifred Carney. Où habitez-vous, Miss Carney ? Carlisle Circus, pourquoi ? Vous êtes catholique, non ? Alors qu'est-ce que vous faisiez à Shankill, le quartier protestant ? Mais je rentre du travail, j'ai été agressée, regardez, je saigne ! Baissez d'un ton ! Ça n'a pas l'air bien méchant. C'est pas le moment pour les catholiques de faire les malins. Allez, rentrez chez vous. Vous n'allez rien faire. Je vous dis, j'ai été agressée et dépouillée. Faut protéger les vôtres, hein, comme d'habitude. Un jour, on vous mettra tous dehors. Allez, allez. On est là depuis 600 ans. Et on est aussi irlandais que vous. Alors maintenant, ma petite dame, rentrez chez vous avant que je vous embarque. Je hais les policiers de Belfast. Ils ne valent pas mieux que ces fous furieux qui m'ont agressé. Des protestants pour la plupart. C'est l'arbin du roi d'Angleterre nous déteste, nous les catholiques. Ils se prennent pour des Anglais, polis au premier abord, mais dès qu'ils en ont l'occasion, ils se transforment en brutes. Quand serons-nous enfin libres et indépendants ? Ce que je ne supporte plus, c'est l'humiliation. Belfast, le 8 février 1912. Cette frêle Irlandaise de 25 ans qui vient d'échapper de justesse au passage à tabac n'est pas du genre à baisser les yeux devant la police. Catholique et farouchement nationaliste, Winifred Carney s'est forgé le caractère en militant très jeune avec les suffragettes. Puis elle a fondé la section féminine du syndicat des travailleurs de Belfast. Pour se rendre au syndicat, elle passe par le quartier protestant de Shankill. Mais aujourd'hui, la ville est en ébullition. Le ministre de l'Intérieur, Winston Churchill, s'est fait molester par la foule. Il est venu en Irlande annoncer l'adoption du Home Rule, une série de lois transférant plus de pouvoir aux Irlandais nationalistes et catholiques, majoritaires dans l'île. Mais en Ulster, la province du Nord, les protestants qui sont majoritaires voient dans le Home Rule une reculade inacceptable de Londres. Pour défendre leur attachement à la couronne, ils ont formé des groupes paramilitaires, comme la fameuse UVF, l'Ulster Volunteer Force. Ces milices n'hésitent pas à en découdre avec les catholiques qui ont le malheur de croiser leur chemin. À Belfast, la situation devient invivable entre les communautés. Pourtant, encore en avril dernier, on s'était tous retrouvés sur le port pour saluer le départ du Titanic. Catholiques et protestants unis dans la même fierté. On avait construit ensemble ce beau paquebot. Maintenant, les protestants ont peur. Ils pensent que si l'Irlande devient indépendante, ils se feront écraser par la majorité catholique. Mais il faut qu'ils comprennent. La révolution contre l'occupant anglais est inévitable. Comment tu te sens ? Ça va. En fait, ces crétins m'ont plus énervé qu'ils ne m'ont fait mal. J'ai envie de prendre des cours de tir. T'es sûr que c'est une bonne idée? J'ai fait le tour des cours de secourisme. Avec les filles, je sais soigner les combattants blessés. J'ai envie de passer à l'étape supérieure. Pas d'acte isolé, tu le sais. Bien sûr que non. Je serai sage. James Connolly est comme un père pour moi. Enfin, un père spirituel. Pas comme le mien qui s'est évaporé quand j'avais 13 ans. Sûrement dans un baril de whisky. Avec James, ma relation était d'abord professionnelle. Mais maintenant, je fais partie de la famille. Sa fille est comme une sœur pour moi. Passe à la soirée dansante de mardi au Bangor Hall. Ça te changera les idées. Pourquoi pas? Et t'inquiète pas, je perds pas la tête. Mais les protestants se croient tout permis. Bientôt, ils auront des armes. On a intérêt à se préparer. Winifred Carney est aussi une des premières secrétaires diplômées en Irlande, une nouveauté dans ce pays où les femmes ont rarement des emplois qualifiés. Elle milite depuis plus de 10 ans et a monté le premier syndicat des femmes travaillant dans le textile. Elle partage avec son mentor, James Connolly, figure historique de la gauche irlandaise, un idéal révolutionnaire et nationaliste. En plus de leur activité syndicale, ils s'engagent pour libérer l'Irlande de la tutelle anglaise. Début 1916, en pleine Première Guerre mondiale donc, Connolly annonce à Winifred qu'une action se prépare. Il lui demande, sous le sceau du secret, si elle est prête à le suivre à Dublin. Elle n'hésite pas une seconde. Ceci n'est pas un braquage. Quoi? Ceci n'est pas un braquage. Mettez vos mains sur la tête. Les gardes, vous déposez vos armes devant vous et tout va bien se passer. Au nom du droit du peuple irlandais à la propriété de l'Irlande, nous prenons possession de la poste centrale de Dublin et de tout le réseau de communication irlandais. Dublin, le 24 avril 1916, jour de Pâques. Après plusieurs mois de préparation, les républicains irlandais sortent de la clandestinité et se soulèvent contre l'occupant anglais. Des centaines d'insurgés prennent d'assaut les principaux bâtiments de la ville, en particulier la poste centrale sur O'Connell Street. L'objectif du coup d'État, proclamer l'indépendance de l'Irlande. Apportez les sacs de sable, aidez les autres à bloquer les portes. Vous vous installez la mitrailleuse sur la fenêtre centrale. Premier étage, pas au deuxième. Allez, allez, on n'a pas beaucoup de temps. Ça va, tu tiens le choc? Oui, ça va. La preuve que c'était une bonne idée d'apprendre à tirer. Tu veux pas monter dans les étages? Toi, tu seras où? Je reste en bas, il faut tout barricader avant l'arrivée de l'armée. Bah alors je reste. J'installe ma machine derrière un guichet. Revolver dans une main, machine à écrire dans l'autre. Je n'ai jamais ressenti ça. J'ai déjà participé à des manifestations de dockers où la police chargeait et même tirait sur nous à balles réelles. Mais aujourd'hui, c'est différent. On écrit l'histoire. On vient de hisser le premier drapeau irlandais au-dessus de la poste centrale de Dublin. Quelle fierté! Le moment est historique en effet, mais la riposte ne tarde pas. L'armée dirige ses troupes vers le centre-ville. Pendant 2 jours, les rues de Dublin sont le théâtre de combats acharnés où les civils sont pris entre 2 feux. Le pays retient son souffle. Mais les insurgés n'ont pas réussi à couper les lignes de communication et l'armée britannique réussit à faire venir de nombreux renforts. Les rebelles se retrouvent assiégés dans les bâtiments qu'ils ont pris d'assaut. Malgré un pilonnage constant et méthodique de leur position par l'artillerie et les chars, 5 jours après le début de l'insurrection, les rebelles tiennent toujours. Vas-y, serre bien. Ça devrait arrêter l'hémorragie. Ah. Tu peux bouger la jambe? Non. Non. Faut que tu prennes le relais. C'est-à-dire? Tu es la personne en qui j'ai le plus confiance, Winnie. Tu reprends le commandement. Tu peux prendre mon dernier message? Oui. Je suis prête. Soldat. Le drapeau de la République irlandaise libre flotte toujours au-dessus de la poste centrale. C'est la première fois en 700 ans. Continuez à porter haut l'espoir de tout un peuple. L'ennemi emploie sa puissance de feu pour nous détruire, mais ils n'auront jamais la victoire. Courage, camarade. Il n'y a pas de cause plus noble que notre cause. Ne l'oubliez jamais. Tu as tout? Oui. C'est bon. Ne pleure pas, ça va aller. Je veux pas être celle qui donne l'ordre de se rendre. Il n'y a pas de honte. Le combat n'est pas perdu, il ne fait que commencer. Et toi, tu vivras pour voir le jour de la victoire. Le 29 avril 1916, après 6 jours de combat, l'insurrection est écrasée dans un bain de sang. On surnommera cette rébellion les Pâques sanglantes. On dénombre 400 morts et plus de 2500 blessés, la plupart civils. La répression anglaise est implacable. 3500 personnes sont arrêtées. Winifred Carnet est avec Constance Markiewicz la seule femme dans cette action à avoir occupé un poste de commandement militaire au même titre que Eamon de Valera, Patrick Pearce et James Connolly. Elle est transférée avec eux à la sinistre prison de Kilmenham à Dublin. Contre toute attente, les soldats anglais ont été respectueux envers nous. Mais ce sont les Dublinois qui ont été les plus virulents. On s'est fait cracher dessus quand on est sorti de la poste. Ils n'ont pas compris qu'on se battait pour eux. C'est dur. Et maintenant, me voilà toute seule dans cette cellule de la taille d'un placard. Je ne sors jamais, mais j'ai une fenêtre. Ça pourrait être une chance, mais en fait, c'est une sorte de torture supplémentaire. Tous les matins, j'appréhende la litanie des exécutions. Je n'ai pas peur pour moi, mais je tremble en écoutant les noms. Il y a quelques jours, Patrick Pearce. Je le sais, ce n'est qu'une question de temps avant l'inévitable. Amenez le prisonnier. James Connolly, avez-vous une dernière déclaration? Très bien, alors on joue. Feu! Moi aussi je voulais mourir, comme eux. Je ne voulais pas les quitter. Mais non, ma mort, ils n'en ont même pas voulu. Une femme, ça ne vaut même pas le prix des balles pour son exécution. Forcément, une femme n'est pas responsable. Ce sont les hommes qui l'ont entraînée. J'ai bénéficié de l'amnistie de 1917. Maintenant, je suis à Belfast et me revoilà chez ma mère, avec mon travail au syndicat. Comme avant. Mais sans James Connolly. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir dans cette vie étriquée. D'autant que la situation avec les protestants et l'armée anglaise ne s'arrange pas. Les Pâques sanglantes ont été une défaite militaire pour les républicains, mais l'insurrection a instillé un esprit de révolte dans toute l'Irlande. L'IRA, l'armée républicaine irlandaise, est créée en 1919. Les actes terroristes se multiplient envers l'armée d'occupation britannique qui ne sait pas comment répliquer. Tu en as mis du temps. Maman, j'ai une réunion qui s'est éternisée. Tu parles. Aide-moi un peu, c'est la livraison des bonbons pour Noël. Les clients s'y prennent de bonne heure cette année. Tiens, mets les sucettes dans ce bocal-là. Tu me feras une dinde pour le soir de Noël? Je serai au magasin tout l'après-midi. Tu as 34 ans, Winnie, tu pourrais te prendre en charge, non? Jésus a vécu chez sa mère jusqu'à 30 ans. Je suis sûre qu'elle lui faisait de la dinde à Noël. Oui, mais lui, c'était un garçon, c'est pas pareil. Ah oui. Toi, en attendant, tes garçons, ils sont à Boston ou à Dublin. Et c'est moi qui t'aide à déballer tes livraisons. Comme tu habites ici, c'est normal que tu aides un peu. Oui, bon, tu vas me le reprocher encore combien de temps? Vite, baisse le rideau. Ça recommence. Tu as vu qui c'était? Non. Ils sont partis en courant. On dirait qu'ils ont aussi cassé la vitrine de Madame O'Brien. Salaud d'unioniste. Il se venge à cause du traité. Le 6 décembre 1921, l'IRA et sa branche politique, le Sinn Féin, signent avec le gouvernement britannique un traité de paix instaurant un État irlandais libre. Mais au moment de ratifier l'accord, la province d'Ulster vote pour rester dans le giron du Royaume-Uni. L'Irlande est coupée en deux. La partition rend l'accord inacceptable pour une partie des républicains et déclenche une guerre civile dans le nouvel État. Finalement, la guerre est gagnée par les partisans du traité en mars 1923. Le pragmatisme l'a emporté sur l'idéalisme. Les chefs de l'IRA nous ont trahis. Ils nous laissent aux mains des protestants. Et dire que c'est Michael Collins qui a négocié pour les républicains. C'est incompréhensible. Un ami. On était ensemble dans la poste pendant le soulèvement. Comment a-t-il pu retourner sa veste à ce point? Ces républicains se sont vendus pour un ersatz d'indépendance et quelques places de ministre. Je n'arrive pas à l'accepter. Nelly a peut-être raison quand elle me dit d'aller à une réunion du Parti travailliste. Un parti réellement au service du peuple, dit-elle. On va voir. C'est la première fois que vous venez? Ça vous a plu? Oui. Je suis juste venue par curiosité. Le Parti travailliste est différent des autres partis. On n'a pas de culte du chef, on est dans l'action collective. Je m'appelle George. George McBride. Winifred Kearney. George? Comme le bon George, roi des Anglais? Oui, chez les protestants, on n'a pas beaucoup d'imagination pour les prénoms. Pardon, je ne voulais pas vous offenser. Pas de souci. Madame Kearney, je vais devoir filer. Mademoiselle Kearney. Ah, pardon. Mademoiselle Kearney, j'espère qu'on se reverra la semaine prochaine. Oui, sûrement. C'était instructif. Alors à samedi. C'était instructif. T'as rien trouvé de plus niais. On dirait qu'il te fait de l'effet, celui-là. Mais enfin, Nelly, c'est un gamin. Tu as 37 ans, lui, 26. Et pourquoi ce serait toujours l'homme qui devrait être plus âgé? C'est pour ça que tu m'as fait venir ici? Pour me trouver un fiancé? Non, mais c'est ridicule. Je ne sais pas qui est ridicule. Tu t'es vue, t'es toute rouge. Il est temps que tu arrêtes de te faire des nœuds dans la tête avec la politique et que tu penses un peu à toi. Ici, il y a plein d'hommes. Et en plus, ils sont du même bord politique. Mais lui, c'est un protestant. Le Parti travailliste n'est pas un parti de premier plan en Irlande du Nord. Pourtant, Belfast est une ville de forte tradition ouvrière. Suite au développement industriel, portuaire et textile, sa population est passée de 20 000 à 400 000 habitants en moins d'un siècle. Mais à Belfast, le sentiment d'appartenance nationale et religieuse prend le pas sur les intérêts de classe. Les réunions du Parti travailliste ne rassemblent qu'une minorité de socialistes des deux communautés. Ah, Winifred. Vous êtes revenu? C'est une excellente nouvelle. Le délégué disait tout à l'heure que vous aviez participé aux manifestations de 1916. Et comme on va préparer une grande manifestation de soutien aux dockers, votre expérience sera bien utile. George, ce n'était pas des manifestations. Winnie était une des leaders de l'insurrection de Pâques à Dublin. C'est une héroïne. Elle était même dans la poste aux côtés de James Connolly. James Connolly, ça vous dit quelque chose? Je dois avouer que ce n'est pas un de mes héros. Même s'il a cofondé le Parti travailliste, cette insurrection à Dublin, en pleine guerre, c'était de la trahison. Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'étiez sûrement pas né? J'étais né, j'avais 16 ans et je combattais dans les tranchées de la Somme. Vous vous êtes engagé contre les Allemands? On est un peu bête quand on est jeune. En tout cas, dans les tranchées, on n'a pas compris pourquoi des gens attaquaient l'armée chez nous, avec des armes payées par les Allemands pendant qu'on se battait contre eux sur le continent. C'était notre seule chance. Il fallait attaquer pendant que l'armée était mobilisée en France. On ne peut pas dire que c'était une grande réussite, en tout cas. Mais... je respecte votre point de vue. Ça ne sert à rien de respecter les points de vue. On a eu raison, c'est tout. Sans cette insurrection, le Sud n'aurait jamais gagné son indépendance. Parlons plutôt de l'organisation de la manifestation pour les dockers. Pensons à ce qui nous unit, l'anticapitalisme. Oui, je crois que c'est une bonne idée. Ça me fait bizarre de parler à un protestant. George est plutôt sympathique. Mais c'est difficile d'éviter les sujets qui fâchent quand on discute politique. Bonjour. J'espère que ce n'est pas une mauvaise surprise. Non. Vous venez me chercher pour la réunion ? Oui. J'ai regardé votre adresse dans le registre du parti et je me suis dit qu'on pourrait faire le chemin ensemble. Je dois me faire pardonner pour la semaine dernière. Vous aussi, vous avez dû vivre des choses difficiles pendant l'insurrection et je n'aurais pas dû vous provoquer. C'est gentil, mais j'ai ma part de responsabilité. En tout cas, vous êtes courageux de venir me chercher jusque dans le quartier catholique. Tant qu'on ne me demande pas de baiser les pieds du pape ou de prier la Vierge Marie, je passe incognito. Et au moins, j'ai pu voir que l'ancienne révolutionnaire tient un magasin de bonbons. Ah, très amusant. Mais c'est à ma mère. J'espère qu'elle ne vous a pas vu. Elle n'apprécierait pas beaucoup de me voir avec un protestant. Je comprends. Et ces hommes qui nous regardent si gentiment depuis tout à l'heure, qui sont-ils ? À eux. C'est la police. Ils vous surveillent, on dirait. Vous savez pourquoi ? Pour rien. Je dois être encore dans leur fichier. Allez, on y va, on va être en retard. George a pris l'habitude de venir me chercher avant les réunions. Tout comme les policiers ont pris l'habitude de nous suivre. Je ne me vois pas lui avouer que je rends encore quelques services à Lyra. Des messages à transporter entre le nord et le sud. Comme j'ai une bonne tête, on ne me contrôle jamais dans le train. J'aime bien George, finalement. Grand, costaud, et en même temps doux comme un agneau. J'aime discuter avec lui, même si à l'arrivée, c'est surtout moi qui parle. La semaine dernière, il a sauté le pas. Il m'a invité en dehors des réunions du parti. On a rendez-vous dans un salon de thé, en tête à tête. Tu vas où ? J'ai la réunion avec les travaillistes. Ah ? Tu es bien apprêtée ? Tu loupes rien. Moi, tu sais, je m'en fiche. C'est le jeune homme que j'ai vu l'autre jour, il est du quoi ? Il est d'Ardogne. Il doit avoir le cuir solide pour vivre là-bas. Ardogne est infestée de protestants. Police, ouvrez ! Oui ! Oui, j'arrive ! Police de Sa Majesté. Ceci est une perquisition. Combien ça m'est ? Que vous voulez. Je crois qu'on tient quelque chose. Fais voir. Un manuel d'entraînement militaire pour rebelles. Et des messages de terroristes. Ce sont des cartes de vœux qui datent de 1916. Lâchez ça, ce sont des souvenirs. Calmez-vous. Nous vous arrêtons pour possession de documents séditieux. Je t'en ficherai, moi, de documents séditieux. Allez, on l'embarque. Laissez-la. Madame, laissez-nous faire notre travail. Laissez-la. On l'embarque. Laissez-la. Me revoilà enfermée à la prison d'Armagh. Je commence à y avoir mes habitudes. J'ai même retrouvé deux amis activistes de Lyra. La police a pris mes photos et mes cartes comme prétexte pour me faire tomber. Malgré l'absence de preuves, ça fait déjà 2 semaines que je suis dans cette cellule qui sent l'urine et la moisissure. Mon état de santé s'est dégradé. L'air ici est irrespirable. 2 semaines sans procès. J'ai du mal à croire que la police vous suive encore si vous n'avez plus aucun contact avec Lyra. Je ne juge pas, mais je m'inquiète. Vous avez l'air très éprouvé. C'est gentil de vous préoccuper de moi. Mais ça va ? C'est juste qu'ils ont gardé mes lettres et la photo de Connolly. Connolly, encore lui. Il compte beaucoup pour moi. Mais il est mort maintenant. Il ne faut pas qu'il vous empêche d'être heureuse. Comment ça ? Je suis là, moi. Vous ne voyez pas que j'ai des sentiments pour vous ? Vous savoir, dans cette prison, ça a été un calvaire. Vous savez bien que vous et moi, ce n'est pas possible. C'est pas vrai. On est différents, d'accord. Vous aimez la littérature, l'histoire, moi j'y connais rien. Mais je pourrais vous écouter des heures quand vous parlez de vos bouquins. Le temps passe trop vite quand on est ensemble. Juste parce qu'on est bien. Ne me dites pas que je suis seul à ressentir ça. George, on ne peut pas. Restons-en là, s'il vous plaît. Mais pourquoi ? Parce que je suis catholique et que vous êtes protestant. Cette histoire d'amour est impensable dans une ville fracturée en ghettos communautaires où les populations ne se croisent plus que sur terrain neutre dans certains quartiers du centre-ville. Pourtant, Winifred ne peut s'empêcher de revoir George. Tel Roméo et Juliette, ils se retrouvent en cachette plusieurs fois par semaine. mais à l'été 1927, pour mettre un terme à cette relation ambiguë et sans avenir, Winifred accepte une mutation au syndicat de Dublin. George, de son côté, part à Londres. Après plusieurs semaines sans nouvelles, Winifred rentre à Belfast en septembre 1927. Ce séjour à Dublin a été très éprouvant. Les Irlandais du Sud ne sont pas solidaires avec nous. Et j'ai enterré Constance Markievicz, ma dernière amie chez les Républicains. Ça a été dur. On ne se voyait pas souvent, mais je l'aimais beaucoup. On était les deux seules femmes combattantes pendant l'insurrection. Jusqu'au bout, elle s'est battue pour une Irlande unifiée et indépendante. Elle était mon dernier espoir. Tous les autres sont morts ou partis, ou se sont fourvoyés. L'IRA ne planifie plus aucune action dans le Nord. James Connolly s'en retournerait dans sa tombe. Je suis fatiguée. J'aimerais tellement qu'il soit là à mon arrivée à Belfast. Qu'il me prenne dans ses bras. Il me manque. George me manque terriblement. Tu as fait bon voyage? Tu n'as pas l'air surprise de me voir. Non, en effet. Tu es comme mon ange gardien. Toujours là dans les moments difficiles. Dublin n'est pas pour moi. Les gens là-bas sont trop lisses. L'odeur et le bruit de cette ville m'ont manqué aussi. Je suis heureux de l'apprendre. Tiens, j'ai un petit cadeau pour toi. Oh, c'est gentil, c'est quoi? Un Big Ben miniature? Mais... Ce sont tes photos. J'ai tout récupéré, même celle de Connolly. Oh, George. J'ai un cousin qui travaille au scellé. C'est incroyable, t'es incroyable. Je me suis dit que si tu pouvais pas vivre sans Connolly, moi je ne peux pas vivre sans toi. Je ne veux plus qu'on soit séparés, Winnie. Moi non plus. Moi non plus. Winifred et George se fréquentent de nouveau régulièrement. Mais comme chacun habite avec sa famille, leur relation reste très chaste et surtout secrète. Aucun des amants n'ose parler de leur relation à sa famille. En 1927, le ressentiment entre catholiques et protestants est très vif. Chacun accuse l'autre de trahir l'Empire britannique ou la cause irlandaise. Les violences se sont calmées, mais la province est ségrégée. Les protestants maintiennent la minorité catholique parquée dans ces quartiers, dans une position de faiblesse. Ils entravent leur accès au logement et à l'emploi. Une voiture? Ça alors? Oui, tu vas voir, elle est superbe. Ah la voilà. Winnie, regarde qui est venu nous voir. Bonjour Alfred. Bonjour Winnie. Il est venu en train, mais il a acheté une voiture. La prochaine fois qu'on va à Dublin, on pourra faire un tour dedans. C'est une belle nouvelle ça. Les neveux vont bien? Ça va. Toujours aussi aimable. Tu pourrais faire un effort, maman est là. Oui, je suis venu la voir, elle. Tu peux pas oublier un peu la politique quand tu viens ici? La politique? C'est toi qui me parles de politique? Dans le train, je pensais retrouver ma sœur, la communiste exaltée. Mais je pensais qu'au moins elle aimait son pays. De quoi tu parles? Ce matin, avant de venir, j'avais une affaire à régler sur le port. Et devine qui j'ai vu au bras d'un protestant? Mais de quoi tu parles? Comment tu sais que c'était un protestant? Winnie déjeunait avec lui sur les docks. J'ai juste demandé à ses collègues. Regarde, elle ne nie même pas. C'est vrai, Winnie? Tu fréquentes un protestant? J'ai rien à vous dire, d'accord? C'est ma vie. Je reviendrai quand mon cher frère aura repris son train. Tiens, c'est là qu'on a embarqué. Le 5e bataillon des volontaires de Nord Belfast. Tu ne m'as jamais parlé de cette période. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Je t'embête toujours avec mes souvenirs d'anciennes combattantes. Et toi, jamais. Je n'aime pas en parler. Avant de partir, j'étais déjà embrigadé dans une milice protestante. Et puis je me suis engagé dans l'armée. Et à l'été 1916, j'ai participé à la bataille de la Somme. Rien que sur la première journée, 2000 volontaires d'Ulster sont morts. Pour rien. Je ne savais pas. Je pensais que tu avais été fait prisonnier. J'ai été fait prisonnier en 1918. Le 21 mars 1918. Lors de l'offensive allemande à Saint-Quentin. Je travaillais dans une carrière de la Forêt Noire. Les Allemands me traitaient bien. C'était pas du tout les sales boches qu'on nous avait décrits. Quand je suis revenu, voyais le monde différemment. La guerre est une chose immonde et absurde que personne ne peut souhaiter pour son pays. Ces gens qui attisent la haine ici, pour moi, ce ne sont pas des héros, ce sont des criminels. Mais bon, je préférais parler d'autre chose quand je suis avec toi. Ça me touche que tu m'en aies parlé. Ça doit te peser. J'évite d'y penser, mais ça me rattrape. Dans des cauchemars, je me retrouve au fond d'une tranchée dans la Somme. J'aimerais pouvoir t'aider aussi dans ces moments-là. George, je veux être avec toi tout le temps. Je veux qu'on vive ensemble. Mais on dirait que tu es en train de me demander en mariage. George et Winifred décident de préparer leur mariage pour l'année suivante, en 1928. Mais sans surprise, les deux familles s'opposent à leur union. Ils ne cèdent pas et rompent tout contact avec elles. Le mariage ne sera pas non plus célébré religieusement. George est athée et il refuse de se convertir. Winifred est croyante, mais l'Église catholique ne célèbre pas de mariage mixte. Winifred suggère alors une célébration civile loin de Belfast. Le 18 septembre 1928, ils embarquent sur le ferry à destination de Holyhead, au Pays de Galles. Le 26, ils célèbrent leur mariage à la mairie, avec deux témoins rencontrés quelques heures plus tôt. De retour à Belfast, le couple emménage dans une banlieue mixte du nord de la ville. George abandonne son travail dans l'ingénierie mécanique pour ouvrir un petit magasin de vêtements en cuir. Winifred, quant à elle, est contrainte d'abandonner son travail au syndicat, car la loi n'autorise pas à l'époque les femmes mariées à travailler. Une loi qui ne sera abrogée qu'en 1973. Nos familles et nos anciens amis nous rejettent. Les gens ne comprennent pas. Ils vivent dans cette haine irrationnelle. On est obligé de mentir à nos voisins et dans les magasins du quartier. Quand on est ensemble, on cache tout signe d'appartenance religieuse. Le prénom de George, qui sonne protestant, ou mon nom de famille. En fonction des situations, on jongle avec le quotidien pour s'éviter l'embarras ou pire, la violence. Parfois, j'ai envie de partir loin d'ici, comme tant d'autres, en Amérique ou en Australie, dans un pays où on se moque de ta religion. Mais je ne veux pas fuir mon propre pays. Ma vie est ici. Et tous ces combats, les miens, ceux de mes camarades tombés, n'auraient servi à rien. L'entrée en guerre de la Grande-Bretagne entraîne en 1940 des bombardements fréquents du complexe industriel de Belfast. George voit ressurgir ses traumatismes de guerre et Winifred, qui paye ses séjours répétés dans des prisons insalubres, voit sa santé décliner. En 1942, elle est hospitalisée. Tous les soirs, après avoir fermé son magasin, George vient la voir et lui apporte les dernières nouvelles en lui tenant la main. Le 21 novembre 1943, George trouve Winifred très affaiblie, incapable de lever la tête de l'oreiller. Tu ne regrettes pas de m'avoir épousée ? Jamais. Jamais une seule seconde. Je ne suis pas le héros révolutionnaire et romantique dont tu rêvais. Ne dis pas de bêtises. On a été de grands révolutionnaires, à notre façon. Winifred Carnet s'éteint le 21 novembre 1943 à 55 ans. L'héroïne de l'insurrection de 1916 est enterrée en petit comité. Son frère exige que son nom d'épouse ne figure pas sur la tombe, afin de ne pas associer les deux noms de famille. George devient veuf à 45 ans. Dans les années 60, il vit le nouvel embrasement du conflit entre catholiques et protestants en Ulster. Malheureusement, il décède en 1988, une décennie avant les accords de paix de 1998. Jusqu'à son dernier souffle, il n'a de cesse de parler de sa femme chérie. C'est terrible de vivre sans elle. Depuis qu'elle est partie, j'essaie juste de lui faire honneur. Des entrailles prédestinées de ces deux familles ennemies, à prénaissance, sous des étoiles contraires, un couple d'amoureux, dont la ruine néfaste et lamentable doit ensevelir dans leur tombe l'animosité de leurs parents. J'ai d'abord embrassé la Révolution. Et puis j'ai fini par embrasser un protestant. Je ne renie aucun de mes amours. George, je t'aimerai toujours car tu as su m'accepter pour ce que je suis. Et toujours aussi, je resterai cette jeune révolutionnaire de la poste centrale de Dublin. Celle qui rêvait d'unifier tout un peuple sous le même drapeau. Winifred Carnet, héroïne de l'indépendance irlandaise, de Vincent Hazard, avec Sandy Boisard, Winifred, Aymeric Le Cerf, George, Éric Chalier, John Connolly, Marie Verge, Nelly, Béatrice Champagnier, Sarah Carnet, Jean Riffel, Alfred Carnet, Norbert Ferrer, un policier, Mathieu Rochevarger, un policier, et les voix de Ismaël Ruggiero, Bertrand de Rofignac, Sylvain Gauthier et Raouf Raïs. Bruitage Sophie Bissens, prise de son montage et mixage Pierrick Charles et Régis Nicolas, assistant à la réalisation Vivien Demeyer, réalisation Pascal Deux. Vous écoutez France Inter. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Winifred Carnet et sur l'Irlande avec mon invitée Nathalie Seban. I can see that you're giving up. It should not mean that much to me. And I don't know where the rest go. But everybody's been telling me no. Oh, woman, oh, man, choose a path or a child, great mirrored plans. Oh, woman, oh, man, take a devil by the head through yellow sands. And I can see that you're giving up. So tell me, it should not mean this much to me. And I don't know where the rest goes. Everybody's been telling me no. But I'll always have a thing for you. I move the earth, but nothing made you want me. No Man de London Grammar sur France Inter dans Autant n'importe l'histoire. Juliette Gou réalise l'émission, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale, Thierry Dupin à la technique, Juliette Delperroux. Nathalie Seban, donc cette fiction sur Winifred Carnet nous a amené dans la peau d'une Irlandaise syndicaliste, suffragette et nationaliste, dont le fait d'armes, le haut fait, le plus connu fut sa participation à l'insurrection de Pâques 1916 à Dublin. On l'appelle les Pâques sanglantes parce que la répression anglaise a été extrêmement rude. Terrible, terrible. Et d'ailleurs, dans l'histoire de l'Irlande, dans l'historiographie de l'Irlande, vous avez bien entendu deux courants. Le courant nationaliste, qui lui voit le soulèvement de Pâques 1916 comme un moment emblématique et un succès absolu. Et le courant révisionniste, qui, arrivé plus tard, voit 1916 comme une catastrophe, comme une trahison, comme un échec absolu. Pourquoi ? Eh bien parce que, premièrement, comme c'est très bien expliqué dans la fiction, il était inconcevable d'attaquer l'Angleterre à un moment où elle était engagée dans la Première Guerre mondiale. Et ce que, également, à la fois les Anglais, mais les unionistes protestants ont très mal supporté, c'est qu'on fasse des martyrs des leaders du soulèvement de Pâques 1916, alors qu'on les considérait simplement comme des terroristes. Est-ce vrai que l'Allemagne a soutenu cette insurrection ? Alors, elle l'a soutenue en fournissant des armes. Mais à la dernière minute, il semblerait que le transfert des armes n'ait pas eu lieu comme il aurait dû se faire. Alors paradoxalement, cette insurrection qui est donc écrasée dans l'œuf, réprimée très fortement par l'Angleterre, marque le début de la prise de conscience nationaliste. C'est ça qui est étonnant. Mais c'est-à-dire qu'à partir de là, le mouvement pour l'indépendance était amorcé, le mouvement pour une république indépendante était amorcé. Et les combattants indépendantistes, nationalistes, républicains n'ont pas baissé les bras. Et dans les années qui ont suivi, on a eu effectivement la guerre d'indépendance, puis la guerre civile, pour arriver finalement à la naissance en 1922 de l'État libre d'Irlande. Alors on a vu que Winifred Carnet, dans La Grande Poste, elle est là avec sa machine à écrire, elle est pour dactylographier donc les paroles de John Connolly, qu'elle admire beaucoup, mais elle a aussi un revolver. C'est elle qui reprend le flambeau quand Connolly est blessé. Et est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes donc parmi les rebelles ? La contribution des femmes au soulèvement de Pâques 1916 a été très très importante. On n'en a parlé que très tardivement, puisque l'histoire, comme on le sait, a été écrite pendant des siècles, voire des décennies, par des hommes. Donc ce n'est que très tard qu'on a commencé à parler de la contribution des femmes dans l'histoire. Il y a eu des femmes qui ont participé de manière directe, des femmes qui ont participé de manière indirecte, des infirmières, des femmes qui ont soigné les blessés, des femmes qui transportaient les messages, des femmes qui transportaient des armes. C'est un peu comme la résistance en France. Comme la résistance en France. Ce qui était intéressant, c'est que dans les mouvements des femmes, notamment à Belfast, les femmes étaient beaucoup plus entraînées, notamment à utiliser les armes. Dans l'Union des femmes, le mouvement Comenban, les femmes de Belfast avaient été entraînées à tirer. Et Winifred Carnet avait reçu un prix justement par ses prouesses au stand de tir. Elle ne tirait pas sur les civils quand même, j'espère. Elle ne tirait pas sur les civils. Ah, une autre figure féminine importante, on l'a évoquée, c'est Constance Markievicz. Je vais vous citer un texte qu'elle a écrit en 1915 pour encourager les Irlandaises à entrer dans la lutte pour l'indépendance. « Portez des jupes courtes et commodes, portez des chaussures solides, achetez-vous un revolver, n'attendez rien de votre charme féminin, mais comptez sur votre propre courage, votre vérité et votre intelligence. » Elle n'y est pas par quatre chemins, Constance Markievicz. Oui. C'est la figure emblématique de la révolution des femmes révolutionnaires irlandaises. Et elle mérite tout à fait cette place emblématique. Ça a été la première femme à être élue au Parlement britannique aux élections de 1918, même si elle n'a pas pris son siège. Ça a été également la première femme qui est entrée au Parlement irlandais. Mais, si vous voulez, du même coup, le fait qu'elle ait pris autant de place dans l'histoire, ça a un petit peu diminué, amoindri le rôle que des autres femmes, comme Winifred Carnet, justement, ont joué, à la fois dans le soulèvement, mais également dans l'organisation syndicale, socialiste et républicaine en Irlande du Nord. Alors, ce qui étonne aussi, c'est la modernité des mots d'ordre de cette insurrection de 1916. Quand on lit les discours, ils s'adressent autant aux Irlandaises qu'aux Irlandais. Ils affirment que la République d'Irlande doit garantir la liberté religieuse et civile, les droits égaux pour tous les citoyens, alors que la République irlandaise de 1920-1922 sera beaucoup plus conservatrice et les femmes, il me semble, seront priées de retourner à leur tricot. Mais c'est la tragédie, à mon sens, de l'histoire des femmes en Irlande. C'est que 1916 promet une constitution, une république universaliste et égalitaire. La première constitution de l'État libre, 1922, est également extrêmement égalitaire et antidiscriminatoire pour les femmes, puisque de nombreux articles de cette constitution utilisent la formule « sans distinction de sexe ». Mais à partir de la prise de pouvoir du parti de Cosgrave puis de De Valera, on va assister à un mouvement de mise en place de lois discriminatoires contre les femmes, les lois contre les jurys, où on interdisait aux femmes d'être membres d'un jury populaire, la loi qui interdisait aux femmes de continuer à travailler lorsqu'elles étaient mariées, et puis le climax, le point culminant, c'est l'article dans la Constitution de 1937 qui dit clairement que la place des femmes est à la maison. Et pourquoi ? C'est parce qu'il fallait donner des gages à l'Église catholique, se démarquer de l'Angleterre, l'immorale, protestante un lien très fort existait entre le nouvel État libre et surtout l'écriture de la Constitution de 1937 et la hiérarchie catholique, puisque De Valera a construit cette Constitution en accord et en collaboration avec des hauts dignitaires catholiques. Et il fallait effectivement que l'Irlande se pose comme modèle d'une nation morale, en, si vous voulez, miroir inversé de ce que représentait le colonisateur, la Grande-Bretagne. Nathalie Sebald, vous travaillez notamment sur la place des femmes en Irlande. Donc, vous l'avez dit, enfin, l'Irlande, on le sait, c'est un des rares pays en Europe qui interdit encore l'avortement. On se souvient de l'affaire des Magdalene Laundries, sur lequel vous avez beaucoup travaillé. C'était donc des communautés religieuses qui recevaient des femmes soupçonnées de mauvaise vie et qui, en fait, travaillaient gratuitement toute leur vie dans des conditions misérables, de l'esclavage, voilà. Et où en est aujourd'hui le pays de Winifred Carnet, de ce point de vue-là? L'Irlande a fait des pas de géant ces dernières décennies, il faut le reconnaître, tardivement pour nous, mais pour autant, l'Irlande a fait des pas de géant. Les femmes se sont mobilisées ces dernières décennies comme jamais auparavant. On attend, dans les mois qui viennent, l'annonce d'un référendum pour abolir le 8e amendement de la Constitution qui rend anticonstitutionnel l'avortement. Et il reste encore énormément de progrès à faire dans une Irlande où le monde politique est dominé par une caste masculine, conservatrice. Étonnamment, le dernier premier ministre qui vient d'être élu en Irlande avait donné beaucoup d'espoir, issu d'une minorité ethnique, ayant fait son coming out, participant à la Gay Pride, le vote du mariage pour tous. Et pourtant, on l'entend encore, il y a quelques jours, déclarer dans les journaux que, selon lui, l'Irlande n'est pas prête à accorder l'avortement à son peuple. Malgré l'Europe. Malgré l'Europe. Aussi. Autre petite chose importante dans cette fiction qu'on entend, c'est cette difficulté en Irlande du Nord, des deux communautés à vivre ensemble. Elle est catholique, lui est protestant, George McBride. Les derniers mots de Winifred Carnet dans la fiction, c'est une citation des vers de Shakespeare de Roméo et Juliette. Hein, c'est ces deux familles qui n'arrivent pas à vivre ensemble et où l'amour est impossible. Il y en a eu beaucoup, vous pensez, des histoires comme ça en Irlande du Nord? Il y a dû y en avoir énormément. Ce qui est très intéressant, c'est que ce qui, malgré tout, leur permet de dépasser ces clivages très très forts, c'est leur ferme conviction dans le socialisme, le travaillisme. Et d'ailleurs, George McBride était un grand admirateur de Jim Larkin, qui avait fondé avec Connolly, le grand ami de Winifred Carney, le Parti Socialiste Irlandais. Merci beaucoup, Nathalie Sebald. Merci. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr. J'attends bien sûr vos commentaires sur le site ou sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, nous reviendrons en France au 19e siècle à la rencontre d'un couple mythique, Georges Sand et Frédéric Chopin en 1848. Georges Sand, qui s'est engagé dans la Révolution, se remémore les 9 années de passion parfois douloureuse vécues avec le pianiste polonais. Alors que la Révolution se meurt, elle retourne dans le dans sa chère maison de Nohant et termine l'écriture de son roman La Petite Fadette. Pour parler de Georges Sand, je recevrai l'historienne Michel Perrault. Georges Sand, Liberté d'aimer, c'est dimanche prochain, mais dans quelques minutes, juste après les infos, ne manquez surtout pas Soro Solo pour l'Afrique en solo. Très bonne soirée à tous.